Le studio du 89.1 FM à Trois-Rivières, voici les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue dans une édition en direct et complètement originale des Palmarès C'est Fou pour la semaine du 8 au 14 août 2008. Je m'appelle Mathieu Plante avec vous pendant 3 heures ce soir ou aujourd'hui pour écouter la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. C'est un condensé de tout ce que C'est Fou fait de meilleur. La semaine passée, les numéros 1, c'était Chocolat avec Ton Appartement et Hey Rosetta avec There's an Arc. Cette semaine, il y a deux nouvelles entrées, une de chaque côté. Du côté anglophone, on va entendre My Morning Jacket, mais on commence avec la 15e position en francophone. Voici Prototype et Clap Your Hands au Palmarès C'est Fou 89.1 FM. Oh yeah! Clap your hands! Oh yeah, clap your hands. Je t'ai cherché toute la journée, pas moyen de te trouver. Et je te jure c'est la vérité. Écoute-moi bien, je dois te parler. Quand tu dis oui, moi je dis non. Jamais merci, jamais pardon. Quand je dis oui, toi tu dis non. Jamais les filles. Clap your hands. see myself in you. I can tell by the sounds you make when you are pleased. You see yourself in me. My Morning Jacket avec Touch Me, I'm Going to Scream Part 1 est précédé de Prototype avec Clap Your Hands. C'est les deux nouvelles entrées en 15e position cette semaine et c'est les seules nouvelles entrées dans nos palmarès. En 14e place du côté anglophone, ça monte d'une place. C'est The Fratellis avec My Friend John. Mais avant, voici une pièce qui descend d'une place. C'est tombé pour la France de 0-1-1 dans un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. C'est les palmarès C'est Fou. Sous la vie, sans foi ni toi ni fortune, j'ai pas. The Fratellis avec My Friend John en 14e position anglophone. Ça monte d'une place, c'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Et juste avant, c'était une pièce qui descendait d'une place, tombée pour la France de 0-1-1. Au 13e position, du côté anglophone, ça monte d'une place, c'est King's X avec All Right qui vient de leur album 15. Mais juste avant, on s'en va entendre une pièce qui monte de deux places, c'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Voici les Delaware Chuck avec Assoir, on sort des palmarès, c'est fou. Vous autres, vous sortez pas, par exemple, vous restez dans votre voiture ou à la maison pour écouter les palmarès, c'est fou jusqu'à la fin, okay? Bon, je vais pas vous dire quoi faire, là, mais... T'sais. À longueur de semaine, je me démène, je me démène. Je m'arrache, je me déchaîne, mon panache qui traîne la tête. Je suis la mèche, toi le pétard, comme un bébé. Et on sort à soir. Même si mon corps me dit d'arrêter, ça me tente pas. Yeah. King's X avec All Right en 13e position anglophone. Ça, ça monte d'une place. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Et juste avant, c'était les Delaware Chuck avec Assoir, on sort, qui monte de la 15e à la 13e. Avant de passer à nos prochaines positions, les 12e, on va regarder ce qui se passe un petit peu ailleurs dans les palmarès. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, les palmarès, c'est fou. C'est plus que seulement un top 15 francophone et un top 15 anglophone. Il y a aussi plusieurs affaires. Faisons le top 10 loud pour commencer. Aucune nouvelle entrée. On commence avec le top 3. Donc, King's X avec F-15 est en 3e. Sound of Fury est avec leur album éponyme en deuxième et le numéro 1 c'est Opeth avec Watershed. Tout est stable. Dans le top 3 des disques canadiens, tout est stable aussi. Be Your Own Pet avec Get Awkward en troisième. Woodhands avec Heart Attack en deuxième et Hey Rosetta avec Into Your Lungs en première place. Les trois positions étaient des nouvelles entrées la semaine dernière. Dans le top 30 des albums, aucune nouvelle entrée là-dedans non plus. En troisième, c'est l'ancien numéro 1 Hey Rosetta avec Into Your Lungs. En deuxième, c'est The Green Hour Band qui passe une 11e semaine dans le top 30. C'est The Green Hour Band qui est le nom de l'album aussi, oui. Et en première place, ben, ça monte de 3, c'est Violet Archers avec Sunshine at Night. Voilà, donc pas beaucoup de changements dans les palmarès cette semaine. Tout est pas mal stable. Donc, on s'en va entendre les 12e positions. On va aller entendre dans quelques minutes Sam Roberts avec Love at the End of the World. Mais avant ça, on s'en va écouter une pièce de Bonjour Brumaire qui s'appelle Cette Bête. Et ça commence à peu près comme ça. Genre, à peu près. T'sais? Ouais. C'est les palmarès, c'est fou. 89.1 FM. Croyez-le, non? Mais croyez-le. Ouais. Vous mentirez jamais. Cette bête coule dans mes veines ce soir. Cette bête me fait te dire que l'espoir a foutu le camp en portant sous ses ailes les dernières braises allumées, voilà un temps. Cette bête crie ton nom sans le vouloir. Cette bête ne détournera plus son regard. Je ne suis pas ton sauveur ni ton ange gardien. Je sais juste que sous ta peau je me sens bien. Tous les cris au loin sont sourds. Mais qu'avons-nous fait pour ne pas lutter? Ne plus s'ébattre à en perdre haleine. Les lueurs dehors seront les témoins. Aussi claire soit-elle ce soir, la ville ne dit rien. Nos veines ce soir. Cette bête me fait te dire qu'il est tard, que les cendres, les couronnes et les longs serments soient les derniers chapitres d'un mauvais roman. Tous les signes au loin. mes veines ce soir. Cette fête coule dans tes veines ce soir. Cette fête coule dans nos veines ce soir. Cette Roberts avec Love at the End of the World en 12e position anglophone. Juste avant, c'était Bonjour Brumaire avec Cette bête qui monte de deux places. Les choses avancent très bien dans les palmarès, c'est fou, hein? Une petite demi-heure après le début de l'émission. On va tout de suite continuer avec nos prochaines positions, c'est-à-dire les 11e du côté anglophone, c'est Black Mountain avec Angels. Mais juste avant, voici la formation Mort depuis deux jours et La machine à virer le vent. Au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Yeah. Restez là, après la pause, on écoute la prochaine position, c'est celle du côté anglophone, Black Mountain avec Angels. Donc, faut pas manquer ça dans les palmarès assez fous au 89.1 FM. Black Mountain avec Angels en 11e position anglophone, ça monte d'une place, c'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Et juste avant, c'était du côté francophone, mort depuis deux jours avec la machine à virer le vent qui descend de la 5e place, 7e semaine de présence pour mort depuis deux jours. En 10e position du côté anglophone, c'est Stereophonics avec Bank Holiday Monday qui monte d'une place. Mais juste avant, voici la 10e position francophone, elle monte aussi d'une place, c'est Arthur H. Et l'abondance, et restez avec nous parce que plus tard, on va entendre quelques meilleurs moments de l'émission d'humour extrême Vidon la don la question avec Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault. Et évidemment, vos chroniques préférées, les CD les plus vendus, les CD les plus écoutés dans les radios universitaires et communautaires, et un paquet de plaisir. Et moi, Mathieu Plante, si ça vous intéresse. Un milliard pour les Golden Boys. Milliards de cœurs solitaires dans le rock'n'roll. Milliards de galaxies pour le SDF la nuit. Milliards de milliardaires pour nous dans l'atmosphère. Ouais, c'est l'abondance, c'est l'abondance. C'est l'abondance, c'est l'abondance. Milliards de made in China dans le supermarché. Milliards de poulets congelés dans les congélateurs. Milliards de de grains de sable dans la machine infernale. Milliards de milliardaires pour nous dans l'atmosphère. Ouais, c'est l'abondance, c'est l'abondance. Oh, c'est l'abondance, c'est l'abondance. D'été. Milliards de caresses dans la grange abandonnée. Milliards de lucioles dans ton crâne de cristal. Milliards de milliardaires pour nous dans l'atmosphère. Ouais, c'est l'abondance. C'est l'abondance. Oh, c'est l'abondance. C'est l'abondance. Well, Stereophonics avec Bank Holiday Monday en 10e position anglophone. Et juste avant, c'était Arthur H. avec C'est l'abondance qui monte d'une place. En fait, les deux montent d'une place. Ils passent des 11e au 10e. On est rendu aux 9e place, mais avant d'écouter les 9e places, voici le palmarès des radios communautaires et universitaires du Canada. C'est ce qu'on appelle le palmarès Earshot. Des positions 10 à 6, on trouve Snail House, Silver Juice, Beck, Brendan Canning et Human Highway. En 5e, c'est l'album éponyme de la formation canadienne Women. En 4e, c'est Fleet Foxes avec leur album éponyme. En 3e, Elliot Brown, un Canadien avec Mountain Meadows. En 2e, c'est les Canadiens de Wolf Parade avec At Mount Zoomer. Et la première place, c'est King Khan and the Shrines avec leur album The Supreme Genius of King Khan and the Shrines. C'est pour la semaine qui se termine le 5 août 2008. Au 9e position, donc du côté anglophone, on retrouve dans notre palmarès ici assez fou Woodhands avec Dancer qu'on va entendre dans à peine quelques minutes, ça descend de 7 positions. Mais avant, voici Pas Chic Chic et Aude aux ondes dans un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Et si quelqu'un vous dit que c'est pas ça, là, genre que les palmarès c'est une émission tu sais, de niaisage, là, tout des menteurs, toute la gueule. Non. Ah, ben attends une minute. Hey, garçon. S'il y en a qui disent que c'était ça à toune, c'est des menteurs eux autres aussi. Hein? Je m'en suis bien sorti de ça? Non, hein? Non. Yeah. Dancer, de la formation Woodlands, en 9e position anglophone, ça descend de 7 places. Et juste avant, du côté francophone, c'était nos amis de chez Pachic Chic avec Aude aux ondes qui monte d'une place avec leur album qui s'appelle aussi Pachic Chic. C'est la fin de la première heure des Palmarès, c'est fou. On va avoir une deuxième heure dans quelques minutes et avec nous pour célébrer cette deuxième heure sera l'homme, la légende, Kiwan Rajkowczynski. Donc, il s'en vient dans quelques minutes, n'est-ce pas? Bah, c'est, pourtant, tu sais, d'habitude, c'est lui que tu prends, tu sais, mais bon, ça de même. Ah, ben oui, j'ai fait ça, c'est ta faute, hein? C'est pas super. Donc, Kiwan va être avec moi pour, jusqu'à la fin de l'émission. Ouais, c'est ça. Bon, on va s'amuser, j'imagine. Hein? On va essayer. On va essayer de se tenir éveillé. Pas facile, hein, avec toi? Non, c'est ça. Je pense qu'on est mieux de s'endormir avec moi parce que j'ai une voix tellement relaxante. Ben non. Non? Tu trouves pas? Non, on s'endormira pas. On va laisser parler la musique. Ah, j'aime ça, on va laisser parler la musique. Hey, ça, quand t'as rien à dire, tu laisses parler la musique, ça fait un job en maudit, ça. Pas un slogan, justement, d'une station qui existe pour vrai. Ah oui, pour vrai? Je pense que oui. C'est vraiment laid, par exemple. C'est un petit peu cliché, là, mais ouais. Quand même. Ça pourrait être le slogan de la dernière porte à gauche ce soir aussi. On laisse parler la musique? Oui, ouais. J'aurais tout intérêt, en fait, à laisser parler la musique. Ouais, parce que si tu continues même, moi, je vais encore me tromper de micro à la prochaine intervention. Ouais, moi, je vais changer de micro pour. Ça va être plus facile pour mes doigts. Qui sont habitués à une certaine distance. Donc, restez avec nous, les Palmarès, c'est fou. Continue dans environ 2 minutes 30 secondes. Restez là. Des Palmarès, c'est fou pour la semaine du 8 au 14 août 2008. Il s'appelle Kiwan Rajkowczynski. Et son micro est ouvert. Eh bien, étrangement, ça arrive peu fréquemment. Sais-tu qu'est-ce qui arrive peu fréquemment aussi, hein? Quoi? C'est un beau lien quand même. Hein? 8 août 2008, tu me rappelais le fait qu'on est le 8 août 2008 en direct? Ouais, ça arrive comme juste pas mal une fois dans une vie, dans l'humanité. Sérieusement, tu penses? Le 7707, tu fais quoi de ça? Puis le 6606, puis le 5. Non, le 8808. Ah oui, probablement que ça va juste arriver une fois, à part en 2108. On va encore dire 08 à ce moment-là. Ah, c'est vrai. Hein? Ça fait chier des fois, tu sais. Fait que si tu vis dans 100 ans, tu vas voir ça une deuxième fois. Bon. Puis qu'on apprend des choses, hein? OK. On est rendu position numéro 8. Du côté anglophone, c'est la formation Be Your Own Pet avec Super Soul qui descend de 5 places. Et du côté francophone, c'est... J'en ai aucune idée, Mathieu. Tu sais pas ce que... T'as pas de feuilles. Ah, je t'ai pas fait de feuilles, je pense, hein? Semblerait que tu m'aies pas fait de feuilles. Semblerait que j'étais pas au courant que t'allais venir. Mais on va entendre nos prochaines positions. Donc, c'est ça. C'est Armand Méliès avec Amoureux Solitaire. C'est celle-là juste ici qui va jouer. Là. Bon, ben, est-ce que tu la reconnais? Non. Est-ce que je devrais? Ben, tu devrais parce qu'elle est dans le palmarès depuis 3 semaines. Et vous écoutez les palmarès, c'est fou, 89FM, contrairement à Kiwan qui, lui, l'anime. Je l'adore, cette tune est vraiment bonne. Oui, vive la conviction. Un zeste de plaisir. si c'est un mensonge. Oui, je sais que tu mens. La vie est si triste. Dis-moi que tu m'aimes. Oublions tout nous-mêmes. Ce que nous sommes vraiment. Un peu de beauté plastique. Avec Super Soaked en 8e position anglophone, ça descend de 5 places malheureusement, mais ça fait quand même un bon bout de temps. Ça fait 9 semaines que c'est sur les palmarès, donc tu sais, à un moment donné, c'est quand même une belle performance. Tu laisses ta place à d'autres. Oui. Comme je devrais peut-être faire. Mais pas palmarès. Non! Non! Non! C'est bien que personne voudrait le faire. Ouais, c'est ça, j'avoue que. Ouais. Ben non. Non, un peu de sérieux. Un peu. Ouais, c'est serious. Position numéro 8 qu'on avait entendu juste avant Mathieu. Keywan, il sait même pas qu'il y a un nouveau Batman. C'est à peine s'il sait qu'il y a un nouveau Batman qui est sorti. C'est quoi Batman? C'est l'affaire des cartoons, là. C'est ça, ouais. Batman comme dans un gars déguisé en chauve-souris. Là. Ouais, OK. Avec un masque puis une cape. Ouais. Ça passe au cinéma. Il y en a qui vont voir. Ils appellent ça une boîte à images, là, mais gigantesque. Okay? Puis il y en a qui vont voir ça à Montréal. Oui, c'est ça. Il y en a qui vont voir ça en IMAX. Puis que le 19h est complet, donc ils vont à 22h30 et ils reviennent chez eux à 4h du matin. Puis après ça, ils sont fatigués. Puis là, ben, ils ont de la misère à faire l'émission de radio. Ouais. On aime ça, c'est de même. On est comme, on est dans une radio universitaire. On est pour la plupart des adolescents ou jeunes adultes. Non, ben, je te fais des gros yeux, là. Parce que t'es un vieux monsieur. Mais c'est comme adolescent ou mettons mi-vingtaine. Ouais, disons post-adolescent. Post-adolescent, vieux monsieur. En tout cas. Donc, ça pour dire que profitons de notre jeunesse puis allons voir des films en IMAX le jour avant votre émission. Avant notre émission, c'est ça qu'il faut faire. Ben, OK. Faut en profiter pendant qu'on est encore jeune. Fait que là, si je vais pas voir Batman, je vais avoir passé à côté de ma jeunesse, c'est ça que t'es en train de dire? Un peu, ouais. Mais sérieusement, si tu vas voir Batman, là, je sais que toi, tu iras peut-être pas parce que tu connais pas ça. Moi-même, j'ai jamais vu aucun film de Batman, à part le premier, je pense, mais ça fait comme super longtemps, je m'en rappelle même plus. Ouais, moi aussi, j'ai vu celle-là. Bon, ben, le nouveau est vraiment écœurant et en IMAX, c'est encore meilleur, apparemment. Donc, moi, je suis allé voir en IMAX, je suis pas allé voir en vrai, donc je sais pas si c'est tellement meilleur que ça, mais ça vaut la peine. C'est okay. Impressionnant quand même. Ben, j'avoue que y a plein de gens qui m'en parlent, des gens qui aimaient pas particulièrement Batman, qui avaient pas vu les autres films non plus, puis qui ont aimé ça. Donc là, je vais peut-être finir par me laisser tenter un jour. Puis en plus, IMAX, là, c'est genre 5$ de plus que ton cinéma normal. Fait que, ça vaut la peine pour ça. Ouais, sauf qu'il y en a juste un qui monte Batman à Montréal. Ça fait payer à Montréal. Ça coûte genre 30$ d'essence. Ben, en fait, ça a coûté en tout, mettons, avec le gaz, peut-être une bonne 80aine de piastres quasiment. Là, ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est ça. Ben, c'est une grosse sortie. C'est fun. Batman en vaut la peine? Ah ouais, tout à fait. Puis c'est ça, tu sais, je m'en fous, ça avait été autre chose que Batman. Mettons, ça avait été le même film avec un personnage par rapport, j'aurais trouvé ça bon pareil. C'est juste que là, c'est Batman. Okay. C'est encore plus impressionnant vu que c'est Batman, c'est un super-héros, tu sais. Si ça avait été les dinosaures 3D, mettons, t'aurais-tu aimé ça autant? Bof, en tout cas, donc on n'est pas une émission de cinéma, mais c'est pour dire que c'est à recommander quand même. Du côté des 7e positions, en anglophone, c'est la formation Fur Bearing Animals avec IVRV Shoes qui monte de 2 places. Et du côté franco, c'est Choc Moi de Charles de Gaulle. Ah ben, King, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Moi, dis-tu, quand je suis fatigué, je mets les mots dans le mauvais ordre. Check bien ça. Ouais. Ça va. Écoute-moi parler. Ok, je t'écoute. Ouais. T'es pas là, hein? Plus tard. Ok. Comme ça. You know you may not move so fast anymore, but we could all use to slow things down. That ocean no longer laps outside of your door, but my memories still do. And through your eyes the world has changed so many times. It seems like it's getting bigger and smaller every day, but you kept standing tall with your head above it all, despite losing so much along the way. And you kept standing tall with your head above it all, despite losing so much along the way. And you kept standing tall with your head above it all, despite losing so much along the way. That's where that picture came from. Somehow it ended up in my hands. You met a tall, dark, handsome man who looks upon you now and then and thanks you for being just so strong. And the world could spend a day walking in ivory of your shoes. Along the way, and you kept standing tall with your head above it all, despite losing so much along the way. And you kept standing tall with your head above it all, despite losing so much along the way. And you kept standing tall with your head above it all, despite losing so much along the way. Fur-bearing Animals avec Ivy RV Shoes en 7e position anglophone, ça monte de 2 places. Et du côté franco, c'était Choque-moi de Charles de Gaulle, ça montait de 1 position. Hey, sais-tu qu'est-ce que je trouve choquant dans la vie, moi? Quoi? L'humour extrême de... Vidons la drôle à question. Cette semaine, la dépression. C'est pas facile le mois de novembre, pour personne. Il y a moins de soleil, il y a plus de stress. Vu dans la don, la question s'intéresse cette semaine à la dépression, parce que beaucoup de gens en souffrent. L'indifférence. Moi, c'est tout le monde qui se dit « Ah, oh, moi, je vais rien faire, je vais laisser le voisin le faire, puis je le fais pas. » À un moment donné, ils pètent une dépression, ils sont plus capables, t'sais. Les gens sont égoïstes. Tout pour eux. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Socialement, le monde ne s'améliore pas du tout. J'ai 89 ans, puis je veux être tranquille. La solitude. Aujourd'hui, les couples, ils prennent pas le temps de dialoguer. Le monde, il cherche le tout ce qu'il y a de mauvais. Fait que là, c'est pour ça, à un moment donné, ben, le contact humain, il n'a plus, là. Puis, c'est tout à l'envers. Le complot des compagnies pharmaceutiques. Au lieu d'aller à la source du problème, là, de trouver quoi, ben, on t'essaye des pilules. Il me semble que des pilules, on n'en mangeait pas tant que ça, là, quand j'étais jeune. Puis elle est allée voir le médecin, puis elle lui a dit qu'il voulait la prendre, nous, pour faire des expériences sur elle. On est des cobayes. En réalité, on est tous un peu malades. Il est clos d'indite avec des médicaments, là. J'ai travaillé là-dedans, fait que je sais de ce que je parle, là. Mais ça, les médicaments, de toute façon, ils en ont toujours trop donné. Je peux vous en parler? On m'a essayé 56 affaires pour mes migraines. OK. Ça a brûlé mes cheveux, ça a fait fendre mes ongles. C'est ça, mais il y a des médicaments qui sont dangereux. c'est une menace pour l'humanité, pour la Terre. On les drogue, puis on a la paix dans ce temps-là. J'ai 89 ans, puis je me retiens tranquille. Oh ben, c'est le mal de vivre. Vous voyez bien que la planète fout le camp. La justice est pas juste. C'est pas ça que la personne a besoin. Elle a besoin d'un contact. Elle a besoin d'un humain à côté d'elle, tu sais. Ah, oh, j'ai très, très mal à la tête. GlaxoSmithKline est fier de s'associer à l'émission Vidons la don la question pour vous rappeler que Paxil est toujours la solution numéro un pour régler l'anxiété généralisée. Paxil vous aide à reprendre goût à la vie. Consultez votre pharmacien. C'est suivi de la maladie par le son. Docteur, aidez-moi. Mais certainement, que se passe-t-il? C'est mes pieds. Quand j'enlève mes souliers, mes pieds se mettent à faire un méchant bruit fucké, là, comme une grosse distorsion, là, bien élevée. Oui, d'accord. Faites-moi voir ça. Oh, laissez-moi juste enlever mon soulier, là. Vous voyez? Oui, c'est curieux, en effet. Vous semblez avoir une distorsion dans le pied. Ben, je sais bien que j'ai une distorsion dans le pied, Doc. Je sais me la faire enlever. Je travaille dans un restaurant de sushi 5 étoiles, moi, Doc. Vous savez ce que ça veut dire, ça, un restaurant de sushi 5 étoiles, Doc? Ça veut dire que tout le monde enlève leurs souliers dans le restaurant. On enlève nos souliers, Doc. Ça fait 2 semaines qu'à chaque fois que je rentre à la job, c'est la crise. Ah, Danielson, vous êtes 2 minutes en retard. Oh, excusez-moi, Madame Momichi. Vite, laissez les vos sussules. Et allez s'élever les clients! Oui, oui, tout de suite, madame, j'enlève mes chaussures! Anderson! Écoutez, là, Doc, ça peut pas durer, OK? Je prévoyais changer de religion, moi, là. Je viens de rencontrer une belle petite musulmane, bien gros pratiquante, mais je l'aime comme un fou. C'est sûr qu'il va falloir que j'aille dans une mosquée avec elle un moment donné. Qu'est-ce que c'est m'a fait, moi, rendu là à distorsionner des pieds au beau milieu d'une sourate? Je comprends votre désarroi, M. San, mais je peux pas vraiment vous aider. Je vais être obligé de vous envoyer à l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine. Hey, je suis pas un fou, là. C'est avec mon pied qui distorsionne. J'ai pas besoin d'aller à Louis-Hippolyte Lafontaine pour ça. Non, non, c'est pas l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine pour les fous. C'est l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine. Je suis pas sûr de comprendre, là. Vous savez, on a 5 sens. Le goût, l'odorat, le toucher, la vue. Et on a Louis. Ah. Louis-Hippolyte Lafontaine. C'est un hôpital qui traite les gens qui souffrent par le son, comme vous, avec votre pied. Vous aussi. Tout comme le pauvre Danielson avec son pied qui distorsionne, vous souffrez par le son? Alors venez nous voir à l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine. On peut vous aider. Louis, pas comme le prénom Louis, mais comme Louis le sang. Vidons la don la question. C'est ce qui s'en vient cette semaine à l'émission du mot extrême. Vidons la don la question. Assez spécial, hein? Pousse les limites. Ah ouais, la première, là, ça donne le goût d'aller faire un tour à la pharmacie. Là. Tout à fait. Quand on parle d'humour extrême, c'est ça. C'est de l'humour extrême. C'est des affaires qu'on n'entend pas ailleurs pour l'instant. Pour l'instant. Donc, vidéo là dans la question. L'émission d'humour extrême est diffusée sur nos ondes les lundis après-midi à 16h, ensuite les mercredis à midi, les vendredis matin à 9h et les samedis à partir de midi. Allez voir le www.cif.ca pour l'horaire complet et allez voir le Vidon Ladon sans le C.com pour entendre des extraits d'émission et pour en savoir plus sur Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault, les animateurs de Vidon Ladon, la question. Et puis je vous rappelle que cet automne, on va avoir des capsules exclusives sur nos ondes dans les Palmarès, c'est fou. Ça va être génial. Mais pour l'instant, on va entendre les positions numéro 6 du côté anglophone. C'est la pièce Schools Out de Sound and Fury. Et du côté francophone, c'est la pièce Pierre Lambert de Shotgun. Je sais que t'appelles Pierre Lambert, toi. Pierre Lambert. Traite-moi pas de Pierre Lambert. Arrête, Daniel Sam. Ah, oh, mais c'est un restaurant 5 étoiles! Yes, I am such a fool, and I don't need a single book to teach me how to read. Who needs stupid books? They are for petty crooks, and I will learn by studying the lessons in my dreams. So turn off the TV, cause that's what others see. And movies are as bad as eating chocolate ice cream. They only sicken me, don't let me play football. I'll sack the quarterback and jack the brother of the ball. I'm a troublemaker, never been a faker. Doing things my own way and never giving up. I'm a troublemaker. Such a special guy. Serais-tu seul, Kiwan? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu ris. Tu ris de moi? Ben non. Oh. Ah. En tout cas, c'est moi qui est supposé être fatigué puis rire à rien. T'sais. Ben fais-le donc. Tu vois que t'es fatigué puis tu rires à rien? T'as bien raison. On vient d'entendre Weezer avec Troublemaker qui monte de deux places. Ça fait cinq semaines que c'est sur notre palmarès. Ouais, c'est bon. Oui, mais ça, c'est bon. Juste avant ça, du côté franco, on avait entendu Pierre Lambert de Shotgun. La semaine passée, nos numéros 1, c'était Chocolat et Hey Rosetta. Et étrangement, ils se retrouvent toutes les deux en quatrième place. Oui. Drôle de hasard. Ben, c'est ce qu'on s'en va entendre. Mais avant... Ben avant, on pourrait peut-être écouter les cinquièmes. T'as-tu envie? On pourrait. Tu voudrais entendre les cinquièmes? Suggestion. Bon, gars, le gars qui veut entendre les cinquièmes positions. Je vais pas briser ton plan, là. Peut-être que t'avais décidé de faire ça random aujourd'hui. Ouais, c'est ça, comme toute ma vie, enfin. Avant de passer aux cinquièmes places, okay. Comme tu dis, on va parler de ce qui s'est le plus vendu au Canada. Oui, fais donc ça. C'est donc les CD les plus vendus selon Nielsen SoundScan. On commence en 80e place parce que nouvelle entrée d'un groupe qu'on a reçu, dont on a reçu le CD la semaine passée, c'est One Day as a Lion. Et c'est très bon, ça. Ah oui, j'ai pas entendu. L'album est éponyme. Tu devrais l'écouter. Tu devrais passer ça dans tes émissions. Il paraît qu'on peut pas dire, on peut plus dire éponyme. Comme, raconte-moi ça, Kiwan. Ben, je sais pas. Apparemment, ça ne serait plus accepté par l'Académie de langue française. Hey, en font-tu des changements? Eux autres, on n'a plus le droit de dire les nominés. Faut dire les nommés. Ouais, les nommés. Puis les albums maintenant homonymes. Parce qu'un chat, c'est un chat, tu sais. Hein? Tu sais, tu changes pas les affaires qui sont établies, là. Hein? Ouais, ça, tu peux encore dire un chat, par exemple. Ouais, je peux-tu dire ça? Je le confirme, ouais. OK, parfait. Mais pourquoi on peut plus dire je comprends pas éponyme? Tu peux dire les albums chats, finalement, au lieu d'éponyme, là, tu peux dire ça. Ben, OK, je vais commencer ça la semaine prochaine. Non, mais je sais pas, j'ai entendu ça sur... je vais citer ma source, quand même, là, pour me donner un peu de crédibilité. J'ai entendu ça à Radio-Canada. C'est le genre de bande à part, un animateur qui a dit « Ah, on peut plus dire éponyme maintenant, c'est plus accepté par la langue française. Il faut dire les albums homonymes. » Mais c'est donc ben laid. Oui. Homonyme. Oui. OK, bon, on va dire homonyme. C'est sûr, il faudrait quand même vérifier là, l'information. Là. Non, Radio-Canada dit quelque chose, donc c'est vrai. Hein? Ouais, c'est ouais. Ça ce que je me dis. On pourrait les écouter, on aime tellement ça. Ah, t'as raison. Quelle bonne idée. Prêt à payer le gros prix pour trouver le soleil, les voyagistes en profitent. Est-ce qu'il parlait encore d'agriculture ou c'était pas de l'agriculture? Est-ce qu'il vient de dire voyagiste? Voyagiste? Ouais. C'est un nouveau mot, tu penses? Le marché de l'emploi a connu un bien mauvais mois de juillet au Canada. Bon, mauvais mois de juillet au Canada. Non, mais c'est toujours intéressant. Il faut se renseigner dans la vie. Ouais. C'est toujours le fun de faire ça. Hein? Je sais pas pourquoi qu'on continue à le faire, c'est tellement nul. En tout cas, donc c'est la radio de Radio-Canada, fier partenaire de CIFU. On est rendu au position numéro 5. Du côté anglophone, on va l'entendre. Qu'est-ce qu'on fait, Kiwan? Je pense qu'on parle encore des albums les plus vendus, ça se peut-tu? Oui, c'est ça. Mais en plus, je pense que je n'étais pas rendu aux bonnes places. En tout cas. Donc, en haut de la 80e, la prochaine, c'est la 53e. C'est U2 avec Live from Paris qui vient d'entrer dans le palmarès des CD les plus vendus au Canada. En 46e, c'est Buddy Guy avec Skin Deep. Ensuite, on monte tout droit en 12e pour retrouver Slip de Nine Inch Nails. En 4e, c'est Sugarland avec Love on the Inside. En 3e, l'ancien numéro 1, c'est Coldplay avec Viva la Vida. En 2e, c'est Stable avec la trame sonore de Mamma Mia. Et nouvelle entrée en première place pour je sais que tu l'aimes, tout le monde l'aime. Miley Cyrus avec Breakout. Anna Montana, non? Ah oui! The best of both, man! Ah! Ta-ta-ta-ta. On n'a pas l'air de chanter ça, je pense, maman. Ah non? C'est un peu pop, je pense. C'est un beau moment, ça. Ok, donc. Comment ça nous émeut parler d'Anna Montana? Ben, quand. Donc, là, ce que je comprends pas, c'est que, bon, on est rendu au 5e position. PSP, on n'a pas encore joué, mais je sais que j'ai déjà joué Weezer. Donc, what's up? What up? En tout cas, on va l'entendre Plateau Beach de PSP, puis pendant qu'on comprend, qu'on essaie de figurer qu'est-ce qui se passe. Hein? Figurer, ouais. Ouais, je sais, c'est une expression traduite littéralement de l'anglais. Ouais, ouais, ouais. J'aime ça, toi. C'est pas Radio-Canadien, ça? Vraiment pas. Non. On va aller écouter PSP. Là. OK. Ça non plus, c'est pas en français. PSP. Ouais. Play, plus play que play. Bouton en triangle, Mathieu. Plateau, plateau, beach, beach, plateau, plateau, beach, bitch. À 10 minutes en piste, c'est de la run de crack. Les dealers pis les restos livrent même dans le pack. Au plateau, beach, foiré dans le gazon, nous jasons. Voyons des grisons. Après la petite de Heine, la grosse 50. Un petit pack à 6 passe le 6 pack rente. Un 12 pack à genoux passe la broue me remonte. Une 24 à 4 pattes, les mots me manquent. À 30 secondes, bandette, t'as plan de la run de crack. C'est même rendu que je pogne pour livrer dans le pack. Au plateau, beach, à des faut pas avoir de club, de danseuses en affaires, ben d'où y'a plein de pubs, de chanceuses en brassière. Ici la vie c'est sketch, les gens ça se la jouent bourgeois bohème. Sur mon royal la petite routine mondaine, le love sur le parc la fontaine, tout le monde s'aime. C'est comme du bonheur en vrac, les autres s'enquêtent des trentaines en espérant la meilleure arnaque. Puis s'ils sont pas capables, ben simplement sème la terre dans le pack. Et malheureuse ma police stop et Superman will never be back. Une game de pool sur Jumel G en face du McDo Papino, distrait en nightlife. Y'a des bums fight life sur Saint-Denis pas loin du resto rapido. Définitivement, le plateau c'est un quartier vivant, c'est évident. Surtout quand tu vis dans. C'est plein de chicks à cocaïne, c'est funky. Plein d'artistes avec une mine de junkie. Youpi en plus, pour vous mesdames, y'a arnaque dans son caddie avec un 15 pouces qui fait boum boum boum boum boum boum boum boum boum. À 10 minutes en piste, c'est que la run de crack. Les dealers pis les restos livrent même dans le pack. Au plateau beach, foiré dans le gazon, nous jasons. Voyons des grisons. Après la petite de Heine, la grosse 50. Un petit parc à 6 passe, le 6 pack rentre. Un 12 pack à genoux passe, la roue me remonte. Une 24 à 4 pattes, les mots me manquent. À 7 minutes en big wheel, la run de crack. Toutes les bouteilles de force se finissent dans le pack. Plateau beach, d'où y'a au moins une pute. Une menteuse sans manière. Pour l'avoir vue en route, c'est une travailleuse fière. Plus beau quartier d'Amérique, vous voulez sûrement parler de la rue Frontenac. Paysage pittoresque, péripatéticienne de 18 ans avec son Mac. Les deux pigeons dans un fond de sac, gisant dans un Pontiac. Les yeux luisant comme un cognac. Si tu tripais santé nature, t'étais mieux aux Adirondacks. Plateau Beach, la place de laquelle les cats de banlieue sont jaloux. Les mêmes qui talk trash nous viennent de partout. Pour sortir du diable vert à quatre pattes, s'en aller chez eux en CV4 back. Plateau Beach, plateau Beach, Rosemont. Plateau adjacent, centre-sud, des plateaux adjacents. Hochelaga, là-bas, plateau adjacent. Park X, des plateaux adjacents. DDO, plateau adjacent. NDG, adjacent, adjacent. RDP, RDP, plateau adjacent. Pointe, plateau adjacent. Verdun, plateau adjacent. Saint-Henri, plateau adjacent. De Saint-Basile-le-Grand. Mm-hmm. quartier, tout le monde se plaît à détester, ça c'est vrai. Plus éclectique que jamais, de Clark appartenait. Le quartier, tout le monde se plaît à visiter en secret. Une fellation, s'il vous plaît, de Clark appartenait. Fury avec Schools Out en sixième position anglophone. Ça monte de deux places. Alors, on a entendu la position numéro 5 francophone. Ouais, on a trouvé ce qui clochait, là, finalement. Ouais, finalement, on avait quand même versé deux pièces. Là. Ouais, c'est ça. Ça change pas grand-chose dans la vie. Bon, là, on est rendu là. Ouais, on est rendu aux quatrième position. Mais avant ça, Key One, sais-tu ce qui est quand même pas mal intéressant? C'est le site de C'est Fou. Oui. Parlons-en. www.cifu.ca, là-dessus, vous pouvez retrouver la mission de votre Radio Campus à Trois-Rivières. Il y a aussi une section programmation. Vous pouvez voir tout ce qui se passe à la radio, là, toutes les émissions que j'anime et que Kiwan anime. On se fait des gros marathons, Kiwan et moi, cet été, quand même. Ouais, quand même, hein. On se fait une session d'interplug. Là? Ouais. OK, go. Go! Moi, je vais faire les tiennes. Tu n'es même pas capable de faire les miennes, de toute façon. Je vais faire les miennes, OK? Ah, veux-tu y aller? Attends, ben, vas-y, fais les miennes, hein, si tu comptes ça. OK, je vais faire les tiennes. Donc, Kiwan anime La Dernière Porte à Gauche. Ça, c'est une émission de musique francophone en émergence. C'est les vendredis soirs à 20h. Ça joue aussi les samedis à 16h. Ça joue les lundis à 15h. Les mercredis à 11h aussi. Il y a même aussi l'émission Respecte les Dauphins, qui est un magazine culturel sur tout ce qui se passe dans votre belle petite ville. C'est en direct les jeudis soirs à partir de 16h. On rappelle les lundis à 13h. Hein? Okay, t'as dit toutes les rediffusions en plus, là. Ouais, j'ai tout dit, moi. T'es fort. Oui. OK, donc Mathieu Plante anime La Connexion les mardis à 11h, en rediffusion les lundis à 10h et les jeudis à 11h. Tu peux dire c'est quel style d'émission aussi? C'est une émission informatique et jeux vidéo. Tout à fait. C'est pas pire à date. À date, c'est bien. OK. Mathieu Plante anime aussi les Palmarès C'est Fou que vous écoutez présentement, qui sont en direct les vendredis à 17h, en rediffusion les jeudis à 13h et les... est-ce que c'est tout? Mercredi. Mercredi à 16h. Tout à fait. Aussi, c'est pas tout. Non. Et aussi le poste d'écoute, les vendredis à 10h en direct et en rediffusion. Le poste d'écoute en rediffusion les samedis à 13h. C'est pas mal ça? Et les lundis à 17h. Et les lundis à 17h. Hey, c'est bon. Et ça, c'est l'émission où on découvre les nouveautés musicales tous ensemble en même temps. Oui. Tu sais, on prend des CD puis on les écoute, on sait même pas ce que tu... Hey, c'était beau ça. Ouais, c'était moyen. Ben ouais, c'était un petit peu moyen, mais au moins c'est fait. C'était surtout très chauvin. Chauvin, c'était très très centré sur nous-mêmes, hein? On se flatte un peu la bédaine. On aime ça. Pourrais-tu juste te tasser un petit peu, par exemple? Parce que là... Ok, je vais fêter la mienne d'abord. Ok, c'est bon. Non, mais tant qu'à se plugger, tant que ça, on pourrait aussi dire aux gens d'aller sur le www.cifu.ca puis de regarder toute la programmation au complet, qui est vraiment super intéressante. Puis d'ailleurs, c'est pas un hasard, c'est pas parce qu'on veut tant que ça, faire tant de radio que ça, hein. Tu sais, c'est la preuve qu'il y a beaucoup de place. Si jamais quelqu'un veut animer une émission de radio. La preuve qu'il y a personne d'autre pour animer ça. Il y a beaucoup de place pour tasser Mathieu Plante, là, pour qu'il arrête avec ses émissions insupportables. C'est ça, tu sais, m'en donner les rediffusions, ça va faire. Venez déposer votre projet d'émission, assez fou. Oui, venez, on accepte tout plein de gens, n'importe qui. Venez proposer un projet, si c'est assez bon, ben, tu sais, on y va, puis on vous met en onde. Ça, c'est sur le cifu.ca, toutes les informations pour déposer un projet. Il y a un petit document à télécharger. Envoyez ça à Alain Lefebvre. Ça va être super bon. Et voilà. Tout ça pour dire que ça, c'est une parenthèse, dans le fond. Ça. Hein? OK, on peut la fermer, je pense. C'est ça, on la ferme. On parlait du site web. À part la programmation de C'est Fou, qui est, ma foi, excellente, il y a aussi une section palmarès pour savoir ce qui joue à C'est Fou, dans l'ordre de palmarès, un petit peu. Ça. Il y a une section balado-diffusion. Vous pouvez télécharger des entrevues avec des artistes et puis aussi les capsules de M. Régis Cédric, qui fait des capsules assez divertissantes sur nos ondes. Il y a une section téléchargement avec vidéos, photos et fond d'écran. Publicité, qui est la section où on flatte le ventre de nos commanditaires. Il y a une section lien, et ça c'est pour les autres radios universitaires, entre autres, et puis une section pour nous contacter. Voilà, donc c'est www.cfou.ca. On est rendu aux positions numéro 4 du côté anglophone. C'est Hey Rosetta, point d'exclamation, avec There's an Ark, qui descend de la première place. Oui, et du côté francophone aussi, la quatrième, c'est l'ancienne première position, c'est Ton appartement, sans aucune ponctuation, Mathieu. Non. Et c'est du groupe Chocolate. Ouais. Tellement autopilote, je vais me mettre à prononcer toutes les ponctuations. There, apostrophe S, an arc, de Hey Rosetta, point d'exclamation, suivra après cette pièce, point. Hey, Chocolat, ont 3 nominations au Gamic. Arrête-moi ça! Je l'ai dit. On en parle pas, t'as vu ça en parler tantôt un petit peu? Ouais, c'est bon, ouais. T'aurais dû barrer la porte de ton appartement. La nuit dernière, je suis rentré dedans. J'ai pissé sur le divan. T'aurais dû barrer la porte de ton appartement. La nuit dernière, je suis tombé sur tes sous-vêtements. J'ai mis mon nez dedans. Thank you. dû barrer la porte de ton appartement la nuit dernière. Je suis rentré dedans passionnément. T'aurais dû barrer la porte de ton appartement, le joli cul de ton nouvel amant. J'ai mis mon doigt dedans. Let's go.

you wrote, and this is what you said. Then you wake from a dream to a girl standing there with the one you see. She's painting a picture upon your wall. It was looking quite nice, but you're rather small. A smoke and you realize it was all just a joke. You're shaking your hands to the people you meet. Everyone loves to look and stare. They know that you know that nobody cares. When you pass them by every day, and if you were to stop, this is what they'd say. Flashing lights in an English town. Better keep yourself inside. You gotta love yourself like a little child. There's only one place to be, it's inside your mind. So won't you come with me? The Green Hour Band avec The Clock Tower's Request en troisième position anglophone qui monte de trois places. Oui, juste avant, c'était Jacuzzi de Radio Radio. Et c'est déjà la fin de la deuxième heure de nos palmarès ici à C'est Fou. Il nous en reste une troisième dans la demi-heure qui s'en vient. Hein? On va passer de la bonne petite musique, les positions 2 et 1. Et ensuite, il va y avoir le best-of de l'année 2006. On va voir ce qui se passait à cette date-ci, il y a 2 ans, à partir de dans une demi-heure environ. Et puis après ça, à 20h, c'est la dernière porte à gauche. Donc, restez là pour ça. Et puis, on se retrouve après la pub qui est juste là. OK? OK, on fait ça. Tu vas être là, toi? Je vais être là. Moi, je vais être là, tu penses? J'espère. Ouais, pas sûr. Pas sûr que je vais rester pour ça. Troisième heure des palmarès, c'est fou pour la semaine du 8 au 14 août 2008. Il s'appelle Kiwan Rakovchinski. Et lui, c'est Mathieu Plante. Vous êtes les palmiers, hein? On dira jamais assez, tu sais? Jamais. Jamais. Moi, je trouve qu'ils sont, ils ont l'air sympathiques, tu sais? Les palmiers? Les palmiers, ben, je sais pas. OK, on devrait peut-être faire une compétition entre les auditeurs des palmarès, les palmiers, puis les auditeurs de Respect les Dauphins. Les Dauphins? Ben, ouais. Mais moi, je pense que c'est évident que les palmiers gagnent contre les dauphins. Là, t'sais. Non, moi, je pense que les dauphins sont plus forts. Les dauphins, tu les amènes sur la terre, puis ils font comme boum, boum, boum, boum, puis ils meurent. Fait que... Bon, mais tes palmiers dans l'eau, ils peuvent pas nager. Ouais, mais ils peuvent vivre, par exemple. C'est, hein? Comme, c'est comme un roche-papier-ciseau. Il y a toujours quelqu'un qui bat l'autre. Genre, faudrait faire un palmier-dauphin. Puis, Mais un roche-papier sans le ciseau, mettons juste un roche-papier, c'est plate. T'sais. Ouais, c'est sûr. Quand t'en as juste deux. Faut trouver un autre élément à mixer. Ben, c'est ça. Mettons les auditeurs de la dernière porte à gauche, mettons les portes. Hein? Je vais faire un palmier dauphin porte. Qui bat la porte? Je sais pas. On est rendu aux positions numéro 2 du groupe anglophone. C'est The Violet Archers avec You and I qui monte de 3 places. Et du côté francophone, c'est Parle Paul d'Alessandre Ducoude. J'adore. Moi aussi. Fait que, écoutons la don. Non, la c'est, chanson, c'est plus tard. C'est plus tard. Non, c'est quand même. Moi, je vais l'écouter. OK, ben écoutons la don. Moi, je l'écoute. La chanson. This is love. It's a wound we all feel. A cry for joy and a tear spilled. This is love. This is love. This is love. It's the line I'm speaking of. La pièce You and I de la formation The Violet Archers en deuxième position anglophone, ça monte de 3 places. Ça fait 7 semaines que c'est dans nos palmarès. C'est très bon, ça. C'est doux. C'est très, très doux, mais c'est très bon. Oui. Ils sont pas toutes bonnes, celles qui sont douces. Dans la vie, en général, je parle pas des palmarès. Mais celle-là est bonne. Ouais. Très bonne. Oui, juste avant, on avait entendu Parle de la descente du coude. Ça, c'était dit d'une façon douce. Oui. C'était bien, ça aussi. Avec ma voix radio-canadienne. Wow, je savais pas que t'étais capable de faire une belle voix comme ça. Parle. Oui. La descente du coude. Hey, parlant de voix grave, OK? On parlait en début d'émission, là, personne n'était là à ce moment-là, qui sont encore là en ce moment, mais bon. J'ai été voir The Dark Knight à Montréal en IMAX. Bon, oui. Résumé de l'histoire. Oui. Et Batman... l'acteur Christian Bale là, bon, a joué quand il joue Batman, il prend une voix vraiment fake. C'est le réalisateur qui voulait qu'il prenne cette voix-là. Okay. Ça fait vraiment pas super crédible comme voix en anglais. Je suis pas super certain d'aimer ça. Toi, tu l'as vu en anglais ou... Ouais, en anglais, c'est ça. Mais il parle vraiment comme ça, mais sa voix fatigante. C'est gossant. Okay. Je comprends pas trop l'idée. Bon. Autre chose que je comprends pas, et là, faut que j'en parle. Pourquoi est-ce que les gens... Il y a des gens qui paient 15$ pour aller... 15$, mettons, on pourrait bien parler. Pour aller au cinéma voir un film en IMAX, arrive une demi-heure, 45 minutes après le début du film. Comment tu peux faire ça? Okay? Comment tu peux te lever même pendant un film? Dans un cinéma. Je comprends juste pas ça. T'sais? Ben, t'as levé ici pour t'en aller parce que t'aimes pas. Là, ça va, mais là, t'sais, va faire tes petits besoins avant. T'sais. À moins que t'aies un problème de vessie, t'sais, avec un billet du médecin. T'sais. Ça va. Mais sinon, come on. T'sais. Reste assis jusqu'à la fin. Voyons. Là, une personne, ça va. Deux, trois, peut-être. Là, c'était vraiment deux, trois minutes, il y en a même qui sortaient. C'est effrayant. Mais c'est peut-être parce que c'était 3D, c'est ce monde qui allait vomir. Non, c'est ça, mais c'était pas vraiment 3D. Ça, okay. C'est ça qui est dommage dans l'IMAX. J'aimerais ça qu'il y ait plus de choses qui valent la peine. Parce que Batman, entre autres, il y a seulement, genre, je pense, c'est 4 scènes qui ont été filmées avec des caméras IMAX. Le reste, c'était juste un film normal, mais en plus grand. Okay. Donc ça, c'est dommage. Genre la première scène du Joker, l'arrivée du Joker dans IMAX, des affaires comme ça. C'est plat. J'aurais aimé le voir le film au complet en IMAX, mais ça aurait coûté sûrement beaucoup plus cher. Donc, voilà. Enfin, donc, c'est mon histoire au cinéma. Pourquoi les gens se lèvent dans le milieu du film ou arrivent en retard? Je peux juste pas comprendre que t'as payé 15$ puis que tu viennes en retard. Ouais. Tu sais que le film t'as 10h30. Viens 10h30, genre. En tout cas. Parlez-en à la maison. Hein? Discutez entre vous. On s'en va entendre les numéros... il nous reste seulement les numéros 1, Kiwan. Qu'est-ce que t'as fait avec ton palmarès? Donc, on les dira pas. T'as-tu mis ton palmarès dans ta poche? Mon palmarès dans ta poche? Je l'ai. T'as volé mon palmarès? Ton palmarès? Oui. On est déjà rendu aux premières places. Kiwan, tu me voles mon temps. Ben, je m'excuse. Mais non, c'est correct, je te pardonne. Ben, je m'en vais. OK, bye. attention, l'émission de radio, c'est comme au cinéma. Faut respecter ça. Lève-toi pas. Faut rester jusqu'à la fin. En plein milieu d'intervention, c'est ça. Attends la fin de l'émission. Ben, moi, j'arrive toujours en retard, par exemple. Fait que ça veut dire que ça marche pas. Mais au moins, tu payes pas. C'est vrai. Et t'es pas payé non plus. Voilà, donc je dois. C'est ça. Ouais. Donc, numéro 1 du côté anglophone, mais ça va être... moi, je dis que... je veux même pas nommer ces pièces-là parce que c'est un vrai fardeau de nommer les numéros 1. C'est un fardeau insurmontable, je pourrais dire. OK. C'est, ouais. C'est comme l'opétémie du ridicule de devoir nommer la pièce. Est-ce que tu comprends mes jeux de mots ou je... Non, je suis... non. Est-ce que tu as regardé la feuille? Burden? Ouais, c'est... parce que moi, je suis pas bilingue, hein, tu comprends. Parle-moi-en pas, t'sais. On pourrait nommer tous les défauts que t'as jusqu'à la fin de l'émission. C'est pas pour rien que j'anime des émissions concentrées sur la musique francophone, là. C'est parce que je suis pas capable de nommer les titres en anglais. Ouais, t'apprendras un jour. Non, vas-y. Fais donc le côté francophone, le côté jeu de mots, d'abord. Hein? Je te peigne, hein? Ouais, hein, surtout que pour les jeux de mots, je suis pas très doué, mais... va te dire que j'en ai assez, puis je m'en vais. Je vais en prendre un avion. Non, non, va-t'en pas, Kiwan. On t'adore, Val. Normal. L'aéroport est bondé de gens embarrassés, comme un timbre qui s'apprête à être transporté. Toi, tu t'accroches au bout de mes lèvres, et si je savais dire les bons mots au bon moment. Inside.

numéro 1 anglophone des palmarès de C'est fou cette semaine. C'est déjà la fin de la première partie de l'émission. On va faire un petit résumé de ce qui se passe dans les trois premières positions de chaque côté. Du côté anglophone, en troisième, c'est The Green Hour Band avec The Clock Tower's Request qui monte de 3 places. En deuxième, c'est You and I de The Violet Archers qui monte de 3. Et en première, on vient de l'entendre, c'est Opeth avec Burden qui monte de 3 places. Du côté francophone, la troisième est Radio Radio avec Jacuzzi qui monte d'une place. En deuxième, c'est Parle Pâle de La Descente du Coude qui monte aussi d'une place. Même chose pour le numéro 1 qui monte de la deuxième, c'est Dorval de la formation. On a créé un monstre. Donc, fin de la première partie des palmarès, c'est fou. Il nous reste la deuxième qui s'appelle Écoutons la dans la chanson. Cette semaine, on va faire le top tel qu'il était la semaine du 11 au 17 août 2006. Donc, on va entendre des artistes tels que Wolf Mother, Blackstone Cherry, Stunning Walls et Vulgaire Machin, peut-être. En fait, je vais regarder ça. On va bien voir tantôt. Mais d'ici là, on se quitte pour une publicité et on revient tous ensemble. Tout plein de bonheur dans Écoutons la dans la chanson. Restez là. Après les palmarès, c'est fou! Pendant 29 minutes, écoutons-la donc, la chanson. Hey, bienvenue à Écoutons la dans la chanson, la deuxième partie des palmarès, c'est fou, où on vous permet d'entrer dans l'intimité de l'équipe des palmarès. Et les palmarès, ben c'est moi, Mathieu Plante, et lui, Kiwan Rajkovczynski. Entre autres. Ben, entre autres, c'est qui aussi? Ben, toute l'équipe de production. Oui, l'équipe fictive, comme on l'appelle. Oui. Dans le domaine. L'équipe B. L'équipe. Les stagiaires, un peu comme Énergie en ce moment, hein? C'est beau. OK, donc ce soir, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait le palmarès tel qu'il était la semaine du 11 au 17 août 2006, donc palmarès moins 2. On va écouter les positions 4 à 1 anglophone. La quatrième, c'est The Spores avec Don't Kill Yourself qui monte d'une place. Et je te fournirai la feuille tantôt pour que tu puisses suivre avec moi. OK. Écoutons-la donc. La chanson. Ça, je peux le faire. Nous autres, on a hâte de stagiaires à chaque semaine. Ouais, c'est ça. À l'année, nous autres. C'est ça, on aime ça. Underneath the water, in my backyard, my car, in my very Wolf Mother avec Mind's Eye. Position numéro 3 de la semaine du 11 au 17 août 2006 dans les palmarès moins 2. Oui, juste avant ça, on avait entendu The Spores avec Don't Kill Yourself. La musique était bonne dans ce temps-là. Normal, là. Non, mais c'est une de mes périodes préférées des palmarès. Je trouvais que tout ce qu'ils jouaient était absolument excellent. C'est pas que ce qu'ils jouent aujourd'hui n'est pas bon, mais regarde-moi ça. Robopop Go était là-dedans. C'était génial, ça. Les Teenage Lucifer, hein, pas de philo de magie. Wow. Ouais, j'avoue. Des très bonnes affaires. Je pense qu'on devrait puiser dans les palmarès de 2006 plus souvent pour écouter la chanson. Ouais. Il nous reste les numéros 2 et 1 anglophones. On va terminer avec le numéro 1 qu'on dira pas tout de suite, mais voici pour l'instant le numéro 2. C'est Standing Walls avec Day. J'adore Standing Walls. C'est des enfants, genre, dans le temps, en tout cas, ils devaient avoir genre 14 ans. Pour vrai? C'est vraiment super bon. Ah donc, ouais. Tout de suite, écoutons la don. La chanson. C'est le numéro 2 de la semaine du 11 au 17 août 2006, Standing Waltz avec Each Day. Il nous reste le numéro 1 et là, je sais que ça n'a aucun but de faire un jeu de mots avec le numéro 1 alors que les gens ne savent même pas quelle pièce jouer en 2006. Mais bon. C'est surtout, tu l'as déjà fait le jeu de mots en 2006, tout le monde ils vont savoir c'est quoi. Tellement redondant, style. Non, je me sens seul avec ces jeux de mots-là. Je me dis, je me sens tellement comme tout seul, comme dans un train qui mène nulle part, genre. Lonely Train, tapin. Mm-hmm. Ouais. Je dirais que je me sens comme... C'est sombre. C'est noir. Hein? Sombre comme une roche. En dessous d'une roche. Comme dans Blackstone. Cherry. Blackstone Cherry, Lonely Train, non? Ouais. Oh oui, oh oui. OK, bon. C'est tout clair. C'est juste pour être sûr. Oh. Big train rolling down the line makes me lonely. Sometimes I wish to ride away. Sometimes I want to ride away. Sometimes I wish to fly away. Sometimes I want to fly away. But you can't judge a book looking at the cover. You can't love someone on messing with another. No, you can't win a war fighting with your brother. You wanna lighting up the sky makes me worry. Sometimes I wish to run away. Sometimes I want to run away. But you can't judge a book looking at the cover. You can't love someone for messing with another. No, you can't. Le numéro 1, tel qu'il était en août 2006, pour la semaine du 11 au 17 août. Donc, c'était Black Stone Cherry avec Lonely Train qui montait d'une place. Ça vient de leur album éponyme. Juste avant, c'était le numéro 2 qui vient de leur album Plastic Spoons and Breeding Butterflies. C'était Standing Walls. C'est Standing Walls qui ont maintenant atteint la puberté. Tout à fait. Ils se lèvent debout et dansent une valse. Non, très bon, Standing Walls. Allez sur MySpace, barbic.com/barbic.com. Oui. Stanley Waltz. Et très gentil en plus. Ah ouais, tu les connais? Oui. Ouais, je leur ai parlé sur MSN. Ils sont cool. Vraiment cool. Voilà, donc ça c'est pour le côté anglophone. On va écouter dans quelques minutes le numéro 1 francophone pour cette semaine-là. C'était les vulgaires machins. Mais avant ça, parlons de gens stupides qui font des choses stupides. Hein? Pourquoi pas? Kiwan, qu'est-ce que tu ferais si t'allais dans un fast-food et puis qu'on te donnait le mauvais sandwich? Ah ben moi, c'est sûr que je casse tout. Hein. Ben voilà. Un homme, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé le 911. C'est un homme en Floride qui a appelé le 911 deux fois quand des employés chez Subway ont défait sa commande, l'ont pas fait comme faux. Donc, Reginald Peterson, 42 ans de Jacksonville en Floride, aurait commandé deux sandwichs avec The Works. Ça, c'est le genre de All Dress. Pour apprendre ensuite que son sous-marin n'avait pas de moutarde ni de mayonnaise. Donc là, il était furieux. Il a crié après les employés quand il ne voulait pas arranger sa commande. Donc, il a quitté la place. Il a composé le 911 pendant que l'équipe du Subway barrait la porte derrière lui. Les officiers sont avant que les policiers arrivent, Peterson a appelé encore une fois pour dire que la police n'était pas assez rapide. Quelque chose de genre. Donc, quand ils ont essayé de lui expliquer que le 911 n'était pas fait pour ça, en fin du compte, la police s'est tannée. Puis, ils lui ont donné, comment tu appelles ça? Un coup de matraque. C'est ça. Méfait. Okay. Le truc de méfait, en tout cas. Donc, voilà. Et puis, en plus, les sandwichs n'ont jamais été réparés. Non, mais tu vois, lui, il sait vivre au moins. Là. Il appelle la police. C'est civil. T'sais, moi, j'aurais fait comme Steven Seagal, puis j'aurais tout cassé. Ninja! Et en fait, l'autre affaire, dans le fond, c'est pas vraiment une affaire de gens stupides qui font des choses stupides, mais ça pourrait te rendre triste un peu, Kiwan. Parce que les problèmes économiques aux États-Unis ont encore frappé. Et la prochaine victime, c'est la pornographie masculine. Parce que Playgirl, le magazine pour femmes, va fermer. Va arrêter son édition imprimée. Ça va seulement être une opération en ligne maintenant. Je savais que ça t'intéresserait, c'est pour ça que j'en parle. Après 35 ans, donc le magazine qui a été amené par des féministes ou quelque chose du genre, pour faire compétition un peu à Playboy et à Penthouse. Le dernier numéro va être en magasin le 18 novembre. Ils vont avoir un site web, par contre. Moi, je dirais que pour les modèles nus masculins, les temps sont durs. C'est difficile. Oh, les temps sont durs. Ah, je ne sais pas, j'avais pas vu venir celle-là. Mais je la trouve tellement drôle quand même. Ah, c'est beau. On va l'entendre, une pièce qui plaît aux femmes autant qu'aux hommes. Conçue pour les femmes, mais c'est plaire aux hommes, quelque chose du genre. Ouais, c'est ça. C'est, c'est le numéro 1 francophone de la semaine du 11 au 17 août 2006. Elle montait d'une seule place à ce moment-là. C'est une formation que vous connaissez, que vous entendez sûrement ailleurs, mais les voici quand même. C'est Vulgaire Machin avec Puissant Fond. C'est meilleur quand ça joue ici. Moi, je dis que la qualité sonore est bien meilleure sur nos ondes. Ah oui. Écoutons la don. Chanson. Les cahiers qui me parlent de ménage. Je me cache en pain de fait d'hiver jusqu'à l'indigestion. Je suis mal informé, les médias ont bien raison. Le numéro 1 de la semaine du 11 au 17 août 2006 dans les palmarès moins 2, c'était Vulgaire Machin avec Puissant Fond qui montait d'une place. C'est la fin pour nous cette semaine, Kiwan. Déjà. Déjà, que le temps passe toujours vite. Ouais. Ce qui nous suit le vendredi, c'est la dernière porte à gauche et c'est justement Kiwan qui anime ça. Donc, qu'est-ce qui s'en vient ce soir, Kiwan? Ce soir, on va parler pas mal des gamics. Oh, les gamics, on n'en a pas parlé finalement. On voulait en parler, on n'a pas eu le temps. Fait que écoutez la dernière porte à gauche. Parlez un peu des nominations et de ce que vous pouvez faire si vous voulez participer au gala des gamics. Super, gamique, musique originale et toute nouvelle. On aime ça. Ouais. Ben quand même. Ben c'est des beaux adjectifs. Oui, moi j'aime ça, moi, des beaux adjectifs. Entre autres. En passant, j'ai animé la dernière porte à gauche la semaine passée. Oui, il reste merci. Encore quelques rediffusions pour ça. Non, je voulais, c'était pas pour me faire. Non, mais, pas, non mais je voulais en profiter pour te remercier. Ok, ben c'est fin, mais je voulais vraiment pas avoir l'air du gars qui voulait attendre juste des. Trop tard. Mais j'ai qu'une rediffusion qui s'en vient encore. Si vous l'avez manqué, là, ça joue demain, genre. Ouais, c'est sûr que comme ça, je vais pouvoir évaluer ton travail. Ben, cote-moi sur des lettres A, B, C, D. Ok. Dis-moi si je passe, c'est bon. Moi, je vous retrouve à La Connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo. Je vous retrouve dans le poste d'écoute, l'émission de nouveautés musicales. Toi? Respecte les dauphins, jeudi 16h. Ah, toi, tu dis les heures, en plus, je le sais. Ouais. C'est intelligent, ouais. On se retrouve la semaine prochaine, les vendredis soirs à 17h. On rappelle les mercredis à 16h et les jeudis à 13h pour les palmarès. C'est fou. La part de Kiwan Rajkovczynski. Et le Mathieu Plante. Faites attention à vos genoux. Bonne semaine et bonne chance. On se quitte sur l'information trifluvienne de New Cities. Voici As I Figure Out. Bye bye.